sur un océan, embrasser les tempêtes et les soleils du vent, retrouver dans les plaines d'anciens rêves d'enfants, et toujours espérer retrouver ses frères et ses sœurs de l'autre côté. Ses pensées comme des trains en partant. Être le vent, être l'oiseau, être mort, être vivant. Pour toujours retrouver ses frères et ses sœurs de l'autre côté. Amis Palama, là-bas sont nos richesses. Amis Palama, là-bas sont les frères. Amis Palama. Retrouver ses frères et ses sœurs de l'autre côté.